Donc, nous allons prier pour le frère Chor à côté parce que je l'ai vu attaquer, agresser physiquement. Vous connaissez le frère Chor à côté? Vous le connaissez? Je l'ai vu agresser. Je l'ai vu. Avec lui, quand le Seigneur me montre, il montre de la même façon. De la même façon. Quand ça doit arriver, je sais que ça doit arriver. Vous savez, la dernière fois, quand il est venu ici, quand il est venu au Cameroun, j'avais demandé au Seigneur que montre-moi quelque chose le concernant. Il est venu ici en venant au Cameroun, il avait un problème avec quelqu'un dans son groupe en France. Il avait encore dit à personne, son intention était de venir dire ça ici à ses membres ici-là. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Donc, ils ont des problèmes là-bas. Ils ont eu des problèmes là-bas. Alors quand Dieu m'a montré ces choses le concernant, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit qu'il va te dire quelque chose que Dieu m'a montré te concernant. J'étais vu dans une vision en train de buter avec quelqu'un. Vous avez bagarré, la personne t'a fait du mal. Et dans cette vision, il savait clairement qu'ils avaient vu. Parce que quand on se voit en vision, je vous dis, quand on s'est rencontré en esprit, je l'ai vu, il m'a vu. Alors, je l'ai vu dans cette vision, il a dominé, il y avait bagarre avec le monsieur là, celui-là. Quand il a bagarré, si je vois le monsieur, la photo du monsieur, puis ça va parce que en parlant encore, je vois la même vision. Alors, je l'ai vu dans cette vision, il a eu le dessus sur lui. Quand il a eu le dessus, il a tapé, vous savez, quand tu tapes quelqu'un comme ça, après vous faites la main comme ça, que c'est bien fait pour lui. Il s'est tourné dans la vision, comme ça, il m'a regardé, la vision s'est arrêtée. Quand je lui ai dit, il dit qu'il a bougé sur sa chaise. Il dit que ça, c'est le Seigneur. Il dit qu'en réalité, il venait ici pour dire qu'il y avait un de ses proches collaborateurs avec qui ils ont eu des problèmes sérieux en France. Apparemment, vous savez, comme on ne prend pas de l'argent, il y a des cupides au milieu de nous. Il dit qu'il y a tellement de dîmes, comment ne pas prendre pas derrière, on prend et le nom du service qu'on rend pour le Seigneur est blasphémé. Donc cette fois-ci, je l'ai vu de la même façon. Je l'ai vu, il s'est présenté de la même façon, mais j'ai vu une attaque sur les blessures. Donc, ma soeur, tu causes encore bien avec son fils Hervé. Mais tu as son numéro. Donc, appelle Hervé. Tu dis qu'il l'appelle. Il lui dit que je lui dis qu'il fasse attention avec ceux qui lui font approche. Parce qu'il y a des gens qui vont lui faire un guet-apens. D'accord? On va l'attaquer. On va l'attaquer. Physiquement, c'est pas quelque chose qu'on. C'est le physique. Il a blessure. Parce que j'ai vu la blessure sur sa joue. J'ai vu la blessure poignardée ici. Donc, il a une attaque. Il y a des gens qui sont allés le préparer. L'attaque. C'est comme s'il y a une masse de gens qui sont présents. Le simple fait qu'on soit là, simple comme ça, là, quelqu'un fonce là-bas comme si il venait vers ça, mais il attaque. Donc il y a une attaque qui en train de se préparer contre lui. Il faut qu'il fasse attention. Donc appelle son fils Hervé, tu lui dis que le frère Junior, si on veut qu'on n'entende pas cette voix, ou bien qu'on dise que ça ne vient pas de Dieu, ou bien qu'on dise que Dieu désapprouve ça, mais quand l'attaque va avoir lieu, ils sauront que Dieu a parlé. Donc, je n'ai pas demandé, je n'ai pas prié pour lui, c'est venu. Quand ça vient, je vous ai parlé du Nigeria, de cet homme-là qui devait divorcer, Pasteur Christ. C'est dans l'enseignement, ici, on était tenu, on voit l'enseignement, pas vrai? Il dit, observez-le, il va divorcer. Il a divorcé, observez. Il dit que, surveillez le Nigeria. Quelqu'un qu'on considère comme un grand homme de Dieu va mourir. Et sa dimension va disloquer. On va entendre.